On va passer à la période de questions. Est-ce que Merlin fut un humain? À peu près. Un humain. C'était pas une mitaine. Qu'est-ce que tu entends par à peu près? Moi, je sais ce que j'entends, mais c'est de le dire. C'était un être humain qui n'était pas un être humain. Est-ce qu'il y avait un corps physique? De temps en temps. Il choisissait de se prendre un corps physique. Est-ce qu'il y avait toujours le même? Pas mal toujours le même. De temps en temps, il y a eu le corps de d'autres, mais pas mal toujours le même. Ce qu'il faisait souvent, il s'associait avec quelqu'un d'autre dans le même corps pour faire certaines choses. Il fonctionnait du même principe que Lazare? Non, Lazare, lui, a fonctionné surtout du même principe que le Christ. Quand Lazare investit un individu, Lazare est un peu plus violent, par contre, que l'énergie christique. Il tapoche un peu, il écrase l'individu, il agit avec le corps de l'individu, puis quand il s'en retourne, l'individu se retrouve dans son corps avec les mémoires de l'expérience, ce qui fait que l'individu ne souffre pas trop du départ de Lazare, et il bénéficie de ce qui reste, en bien ou en mal. Tandis que Merlin, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'associait à un individu pour le conduire à quelque chose. Disons qu'il s'associait à un individu pour le conduire à une victoire. Comme Arthur. Oui, alors s'il y avait un combat, Merlin pouvait se battre. L'autre se battait, mais son bras ou son épée, etc., c'est Merlin qui contrôlait l'idée. Est-ce qu'il pouvait s'associer à deux en même temps, à Lancelot et Arthur? Il pouvait s'associer à plusieurs en même temps, et il s'est associé à un moment donné à deux personnes pour engendrer le Arthur, justement. Ce que j'ai conservé en mémoire, c'est qu'il était une énergie née du dragon, personnalisée par les initiables qui en recevaient l'information, beaucoup plus qu'une formation, comme celle amenée par l'énergie supramentale. Qu'en est-il? Bon, donc, c'est ce que je dis, c'est qu'il s'associe à un individu pour le faire faire des choses. Normalement, l'individu demandait à Merlin. Nécessairement, Merlin travaillait avec l'énergie tellurique, que lui appelait le dragon. Le dragon, c'est l'énergie tellurique qui est créée par tout ce qui est planétaire. Et puis, à l'époque, quand on a parlé du dragon originalement, c'était toujours en mémoire de l'enfer, en mémoire de la planète Terre qui est encore chaude ou qui a des volcans ou des choses dans le genre. Donc, en personnalisant les choses, les gens appelaient ça le dragon au niveau de l'ésotérisme de l'époque. Merlin, lui, il avait un corps d'énergie, il était capable d'avoir une forme humaine. Il s'associe aux individus et formation, non, Merlin n'a pas formé, il a manipulé. Il a formé deux ou trois individus, des sorcières, un homme, mais c'était beaucoup plus parce qu'il se servait encore d'eux. C'est-à-dire que Merlin les investissait et les traces qu'il laissait chez eux étaient des traces, disons, de formation. Mais ce n'était pas une formation. L'énergie supramentale fait un peu la même chose lorsqu'elle commence à baigner la conscience de l'humain. Sauf qu'elle rend l'humain totalement conscient. Mais c'est des mécaniques encore que j'explique surtout au niveau du séminaire. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps. C'est préférable d'avoir un tableau aussi pour barbouiller. Ça permet de mieux communiquer. Parce que quand on parle d'énergie supramentale qui descend, l'énergie supramentale descend chez l'humain, mais en réalité, l'énergie supramentale, c'est une partie de l'humain que l'humain ne connaît pas. Alors, on explique ça comment? Ben, c'est le frère, il faut dessiner un peu. Alors, ce que c'est simplement, c'est que la personne, c'est exactement comme si vous ne vous rappelez pas ce que vous avez fait et que progressivement, la mémoire vous revient. Bien, c'est ça. La mémoire, quand elle revient, disons, ça reste, vous avez toujours été tout ça, mais il y a une partie qui était froide, qui n'était pas connue. Alors, plus ça revient, plus vous retrouvez votre personnalité. L'énergie supramentale, c'est un peu la même chose. C'est comme si on avait oublié, mais c'est pas une question de mémoire. Mais disons, on fait un parallèle. Et plus l'individu se réchauffe au contact supramental, plus l'intelligence supramentale descend chez lui, elle va l'investir. Merlin, lui, c'était de la cohérence vitale. C'est-à-dire que Merlin n'a pas d'intelligence, mais il n'a pas d'émotivité. Alors, il pouvait s'associer à des individus qui avaient de l'émotivité, ce qui lui permettait de faire des choses humaines, mais Merlin était un bonhomme, si on peut dire un bonhomme, un phénomène énergétique qui ne souffrait pas. Tu disais tantôt que Merlin était celui qui avait été probablement le plus près de l'énergie supramentale en tant qu'initié. Puis il n'y en avait pas d'autres. Dans ceux que tu as nommés, là, les autres étaient pas mal tout astral ou mental, mais le plus près du supramental, c'est Merlin. Pourquoi? Oui, il y en a qui étaient dans les très hautes sphères spirituelles. Il y en a qui étaient dans les très, très hautes sphères spirituelles, sauf que ça reste du phénomène astral. C'est que Merlin, lui, avait un avantage et une problématique, c'est que le corps physique qu'il avait était un corps qui était beaucoup plus énergétique, ce qui lui permettait, en plus d'avoir un phénomène mental très puissant, et d'avoir un corps vital. Parce que je ne vais pas compliquer les choses, je pose des questions qui vont compliquer tout. C'est les réponses qui compliquent, c'est pas question. Ouais, ok, c'est ça. On va essayer de. Ouais, je peux répondre à rien, ça va être intéressant. Merlin, qu'est-ce qu'il y avait de différent? C'est que sa structure énergétique était différente. Comment? Ah, voilà, comment? Vous voyez, hein? Pour ça, je complique tout. J'ai dit que Merlin parlait du dragon. Le dragon, c'est l'énergie vitale planétaire. L'énergie vitale, j'ai déjà dit en séminaire, c'est pour ça que je complique pas pour ceux qui ont fait le séminaire, mais l'énergie vitale, c'est de l'énergie supramentale planétaire. L'énergie vitale, c'est de l'énergie éthérique planétaire. Alors, dans les anciennes étymologies, on parle d'énergie éthérique. C'est la même chose que l'énergie vitale. Dans une étymologie plus nouvelle, on parle de double éthérique. C'est un double qui permet la conscience supramentale. Mais éthérique, c'est pas d'énergie vitale planétaire, oui. Disons, pour simplifier, que l'énergie supramentale, c'est de l'énergie vitale extraterrestre. Et l'énergie vitale, c'est de l'énergie supramentale terrestre. Merlin est surtout investi d'énergie vitale, ce qui lui permet d'avoir un ajusteur de pensée vital, un canal, ajusteur de pensée, et ça lui permet facilement d'entrer en contact avec des mécaniques qui ne sont pas émotives. Donc, ça, il traverse le monde de la mort, le monde astral facilement. Il arrive au plan du mental, et la structure atomique de son corps physique, son corps énergétique, était juste insuffisamment bâti pour être capable de puiser dans l'énergie supramentale sans risquer de trop de problèmes. Chaque fois qu'il allait puiser là, par la suite, il devait aller dormir pendant... Mais quand Merlin dormait, il dormait. Il fallait qu'il digère ça. La dernière fois qu'il a dormi... Donc, l'avant-dernière fois qu'il a dormi, ça a duré plusieurs années. La dernière fois qu'il a dormi, ça a duré quelques milliers d'années. Est-ce qu'il dort? Mais la fois d'avant, ça va durer aussi pas mal longtemps. Est-ce qu'il dort encore? Une partie de lui dort encore, mais une partie qui commence à se réveiller. Les maîtres du monde étaient-ils des initiés? Bon. Oui, des grands initiés, non. Mais des initiés, oui. Et on va faire prochainement une conférence sur les maîtres du monde, alors on pourra parler surtout de ce qui se trame dans la Gartha, dans le Shambhala et dans ces coins-là. Mais c'était des initiés. Certains ont pu étaient des grands initiables, puis il est arrivé différents phénomènes qu'il ne faudrait pas qu'ils arrivent aux gens. Parce que tu montes. Alors, il faut faire attention à un moment donné à l'évolution, parce qu'il y a des petits points que les autres n'ont pas réussi à éviter. Puis on monte en descendant. Si je perçois qu'il y a eu dans mes vies antérieures une initiation, et dans ma conscience d'aujourd'hui qui grandit, est-ce que cette initiation doit me servir? Car il y a certaines visions qui s'éclaircissent graduellement, mais aussi que je refuse ou qui me fait peur. Pourquoi? Bon, que je refuse et qui fait peur, c'est assez facile à comprendre. C'est l'ego. L'ego accepte rarement les choses neuves. Il est toujours en train de lutter contre ce qui est neuf. Donc, nécessairement, si quelque chose vient pour vous changer, même si c'est pour le mieux, nécessairement, ça va détruire la partie chez vous qui s'était habituée à ce qui se passe présentement. Ce qui est surtout important dans toute forme de communication, c'est que quand on parle, par exemple, bon, j'aurais vécu une initiation dans le passé, et il y a énormément d'individus qui en ont vécu. Vous savez, souvent, des personnes disent, moi, peut-être que je réincarne telle ou telle personne, puis on se dit toujours, ouais, vous réincarnez. Quand on parle de réincarner quelqu'un, c'est toujours quelqu'un de bien connu, de bien grand, de bien puissant, tu sais. Sauf que c'est vrai qu'on réincarne. Il y en a eu des gens puissants et bien connus dans le passé. Mais en plus qu'un individu peut se réincarner dans plusieurs corps en même temps, donc la problématique ne se pose pas à savoir si c'est juste moi ou plusieurs. Mais ce qui est surtout important, et là l'ego peut colorer, disons que je réincarne un roi français. Le seul roi français que je connais, c'est Louis XIV. Alors évidemment, j'ai chez moi comme l'essence vibratoire de la royauté française. Et je veux dire, je réincarne Louis XIV. Mais peut-être que je réincarne George V, peut-être que je réincarne Louis I, peut-être que je réincarne Philippe, etc. Peut-être que je réincarne bien d'autres choses. Peut-être Napoléon. Oui, on ne sait pas. Mais, j'aime pas ces spaghettis. J'aime pas. Mais peut-être que, Alors, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que les personnes vont dire, je réincarne quelqu'un d'important, peut-être que c'est Néfertiti. Oui, c'est la seule que tu connais. C'est pour ça que tu dis que tu la réincarnes. Tu sais, c'est des niaiseries. Non, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que je la réincarne. Mais c'est peut-être pas des niaiseries que je réincarne quelqu'un de l'époque ou de l'époque. C'est quoi l'époque égyptienne, hein? Ça s'échelonne sur plusieurs milliers d'années. Bon, alors quelqu'un de l'époque qui était connu, mais qui avait une reconnaissance d'un peuple. Le peuple était peut-être un petit village avec 800 personnes qui l'adoraient comme une divinité. Mais du point de vue de ce que nous avons, nous, aujourd'hui, on aura une coloration de ce qu'on va réincarner. Mais l'important, c'est pas de savoir qui, c'est pas de savoir comment, c'est l'énergie. Chaque fois, l'astral digère des aliments qui sont préparés pour lui. Le corps vital digère les aliments préparés pour lui, le mental aussi, le corps physique aussi. Tous les corps physiques ont besoin de chlore et ils ont besoin de sodium. Le chlore, ça tue, c'est un gaz mortel. Le sodium, c'est un poison violent. Mais on a besoin de chlore et de sodium. Alors, on en mange régulièrement. Sauf qu'on le mange associé ensemble sous une forme différente. Quand on regarde le chlorure de sodium, le NaCl, le sel de table, eh bien, on n'a pas la même forme moléculaire ou atomique du sodium ou du chlore séparé. Bon, mais on mange cela et on n'en meurt pas. Et ça va bien. Mais on n'a pas besoin de chlorure de sodium, on a besoin de sodium et de chlore. C'est clair? C'est clair, pour clore la situation. Mais ce qui arrive, c'est que l'individu ne pouvant physiquement digérer le sodium et le chlore tel quel, il le mangera sous une forme différente sur le chlorure de sodium. Une fois que c'est dans le corps, ça sera redivisé en ions, chlore et sodium, et ça vous sauvera la vie. Souvent, au niveau du corps astral, du corps mental, du corps vital, il y a des mécaniques réincarnationnelles ou des mécaniques alimentaires, que ce soit l'affection, l'amour ou ces choses-là, ou l'information, comme on peut la passer là, qu'on va prendre. Mais les mots, l'impression, la forme, la couleur, la visualisation, la saveur, ce sont des formes pour amener l'énergie au bon corps. Mais on se fout du chlorure de sodium, on se fout de Néfertiti, on se fout d'etc. Alors, la personne, elle perçoit des choses, probablement vraies, qu'effectivement, elle réincarne présentement des mécaniques du passé, mais on ne doit jamais s'arrêter à la forme. « Hey, je réincarne Napoléon. » Ça, on n'en a rien à foutre. Mais qu'est-ce que tu réincarnes de Napoléon? Les derniers instants avant sa défaite à Waterloo? C'est bien plus important de savoir énergétiquement ce qu'on va chercher que de savoir l'image qu'on devrait avoir d'eux. Moi, je réincarne, t'es le roi. Ouais, parfait, passe le balai. Ben, t'sais, ouais, t'es balayeur, t'es un mopeux. Bon, mopologiste, spécialiste en mop. Mais j'étais un roi. Ça se peut que t'étais un roi. Mais en attendant, monsieur, votre majesté, si vous voulez gagner votre 5 $ de l'heure, ramassez les poussières à terre. Énergétiquement, on doit digérer l'information et non pas au niveau de la forme. Voilà, puis qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui fait ci, qu'est-ce qui fait ça? Bien, c'est l'ego. Et tout à l'heure, on le disait encore, il y a le gâteau, il y a la pomme, on doit prendre ça. Pourquoi c'est si souffrant de prendre la pomme? Parce que vous allez devoir changer une habitude. Et changer une habitude, c'est tuer une partie de votre ego. Mais qu'est-ce que c'est que tuer une partie de l'ego? C'est de prendre la forme dans laquelle il maintient de l'énergie et changer la forme, mais on n'a rien tué. Mais la partie de l'ego qui se reconnaissait à manger du gâteau, à un moment donné, n'aura plus besoin de gâteau. Donc, elle sera morte. Mais tout ce qui était là reste là, c'est simplement changé. Je le dis encore une fois, pour devenir des adultes, vous avez tué un mauvais paquet d'enfants. C'est ce que vous étiez. En avez-vous souffert? Non. Est-ce que c'était correct? Non. Mais à un moment donné, vous devez redevenir, dans l'essence, un enfant avec de l'expérience d'adulte. Alors qu'aujourd'hui, on est un adulte avec de l'expérience d'adulte. Donc, on bénit l'enfant. Et encore une fois, ça fait toujours une problématique dans l'évolution. Si je veux redevenir un enfant, oui, mais il faut quand même que j'aille travailler, puis on n'arrive pas à... Non, un enfant avec de l'expérience d'adulte. Autrement dit quoi? Ça veut dire qu'on est capable de vivre, d'apprécier la vie, de vivre dedans comme un enfant. Mais on ne se fera pas leurrer comme un enfant. Puis on va prendre le truc, là, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça, c'est quoi? C'est vrai. Et c'est idiot, maudit. À quoi ça nous sert de savoir que si jeunesse savait puis que si vieillesse pouvait, si de toute façon, jeunesse saura jamais puis vieillesse pourra jamais? à quoi? À souffrir? La personne qui a dit ça l'a constaté. Elle a fait une bonne phrase. Elle contient de l'énergie, cette phrase. Maintenant, il faudra la digérer. Bon, alors, la personne, elle est en train de changer. Donc, pourquoi elle a peur et des habitudes, ils devront le briser. Puis, nécessairement, ben, à un moment donné, si on change, puis on le fait, on se rend compte que c'est très facile. J'aimerais que vous définissiez qu'est-ce que la race transparente et quel est son rôle dans le futur de l'homme. La race transparente, c'est dans le passé surtout qu'elle a vécu. c'est il y a quelques années. Et c'est... Ben, c'est une race qui... Ce sera très long à expliquer. C'est une race qui a donné naissance à toutes les espèces vivantes sur le plan planétaire, qu'elles soient végétales ou animales ou aminales. Et nous, on est descendants d'une de ces parties-là, qui, à un moment donné, a été investie de conscience astralisée par des mécaniques qu'on appelle luciférienne, des mécaniques qui font partie de la race adamique, donc un contact extraterrestre avec l'humanité. Il y a eu par la suite, par imprégnation, création de l'âme dans certains véhicules animaux, les végétaux n'étant pas capables de supporter l'idée. Par la suite, il y a eu des contacts plus sexuels, plus proches physiquement avec certains animaux et cette race adamique. Et ces animaux-là, là-dessus, il y en a une partie qui sont devenus des êtres humains. L'autre partie n'ont pas eu la capacité de développer leur centre laryngé, donc des mécaniques, je vais un peu vite là-dessus, ni leur cérébralité. Et c'est devenu ce que les ésotéristes ont appelé des hommes sans voix, qui ont donné naissance par la suite à toutes les espèces de singes que l'on connaît. Et à travers ça, il y a eu l'homme avec la voix qui a donc pu développer le centre laryngé, donc le cerveau, parce qu'on pense maintenant uniquement en parole. Alors vraiment, Lazare sait que... Non, on dit Dieu sait, hein? Dieu sait que c'est utile d'avoir pu développer la parole, parce qu'on pense maintenant en parole, en mots, on peut avoir des concepts comme ça. Pensez à demain sans mettre de mots. Okay? Faites-vous un concept spirituel de l'univers, mais sans mots. Visualisez ça, là, mais pour comprendre quelque chose. Bon, en tout cas, on pourrait en mettre. Faites après tout ce que vous voulez faire. Cessez de parler dans votre tête, vous allez vous rendre compte que vous cessez quasiment de penser. Il reste quelques petites images, puis vous allez commencer à les décrire en parole. Alors, cessez de parler dans votre tête, vous allez quasiment cesser de penser. Alors donc, ça a développé ça. La pensée engendre nécessairement le corps astral, qui engendre le corps mental, qui engendre le contact expérimental, qui engendre, bref, c'est intéressant. Alors, la race transparente dans le passé, c'est elle qui donne naissance à ce que nous sommes du point de vue végétal, animal et hominal. Et c'est normalement implanté dans des contextes planétaires par une mécanique qu'on appelle éloïmique, éloïen, qui a une seule fonction cosmique, simplement, c'est de transposer des contextes planétaires dans d'autres contextes planétaires et d'agencer la génétique de ce qu'on transplante pour l'adaptation planétaire. Bon, puis on pourrait, enfin, on parle longtemps. Y a-t-il des initiations qui échouent, c'est-à-dire ça passe ou ça casse, et que dans ce cas-là, ça casse? Bon, peut-être que la personne ici, elle aimerait que ça casse. Peut-être pas, mais souvent. On a des questions dans le genre où ce que, bon, mentalement, on veut que ça passe, mais égoïquement, on aimerait que ça casse. Que ça passe mal, ça arrive souvent. Alors, ça monte, puis là, on vient... Disons que ça monte comme ça, puis à un moment donné, ça bifurque, on devient un initié dans l'involution, comme tout à l'heure, j'expliquais. Si vous voulez comprendre l'idée, simplement, vous avez qu'à louer le film La guerre des étoiles, puis vous allez voir avec le 1, 2, 3. En réalité, le film 4, 5, 6. Mais ce que c'est qu'une personne qui est initiée, qui monte, puis qui vire de cap au complet. On parle du Seigneur Noir, Dark Vador. Bien, on aura exactement l'idée, la puissance, tout est parfait. Et ce qui sert l'initié, sert l'initié noir. La même chose. Lui se sert de la force, c'est de l'énergie vitale. Alors, le maître blanc, Yoda, se sert de la force. Le maître noir, l'autre, se sert de la même force. Elle exécute, l'énergie vitale, c'est exécutoire. Alors, quel que soit celui qui s'en sert, la façon dont il va s'en servir. Et si on regarde la philosophie du côté noir, elle est très bonne, très géniale. Sauf qu'elle fait partie du processus d'involution. Ça fait partie du processus qui a engendré les premières religions adorées par les humains, qui ont été par la suite détruites pour être remplacées par d'autres religions plus ascendantes. Alors, y a-t-il des initiations qui échouent, ça passe ou ça casse? Dans le passé, il y en a eu, il n'y en a plus aujourd'hui. Que faire si un conjoint interdit à l'autre de voir d'autres personnes avec qui il s'amuse? Doit-on le respecter et renoncer à voir et à sortir avec d'autres? Posons-nous la question d'une façon plus d'envergure. Que faire avec son conjoint s'il décide qu'on ne doit pas sortir le lundi, mardi, mercredi, jamais, même pas pour aller travailler, parce que, bon, mettez les raisons que vous voudrez. Est-ce que je dois maintenant le respecter et devenez un peu un enfant teflon, puis faites une chose, c'est que le respect commence par soi-même. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez de toute façon respecter quoi que ce soit, vous allez craindre autrui, mais vous ne respectez pas autrui. Alors, craindre quelqu'un, comme dans l'Antiquité, on craignait Dieu. Donc, on respectait Dieu. Ce n'est pas du respect, c'est une crainte. Alors, on peut effectivement craindre son conjoint. Oui, mais je suis... Bon, on peut mettre la philosophie qu'on voudra. Oui, mais je préfère ne pas l'entendre chialer, donc je reste ici, je suis, je sors. Oui, on peut faire ça longtemps aussi. Les Noirs, on fait ça longtemps avec les esclavageurs blancs. T'sais, je préfère, c'est pas mettre le bon maître en colère. C'est un bon maître, une fois par semaine. Lui, il est mauvais maître, il fouette une fois par jour. Non, on se fait fouetter tout le temps, il n'a pas de bon maître. Alors, la personne doit simplement analyser ce qui en est pour elle. Si, puis elle doit apprendre à se respecter. Se respecter ne veut pas dire faire uniquement à la tête de son ego. Elle dirait faire à sa tête. Se respecter, c'est de préserver une forme d'écologie, de conséquentialité dans son environnement. Elle peut rester, elle peut ne pas rester, mais là, elle pourra devenir transparente dans sa communication, puis elle pourra peut-être commencer à expliquer à l'autre certaines choses. Mais ce qui est très important, à un moment donné, c'est d'instruire autrui de nos changements. Et c'est un grand problème parce que toute l'astral s'arrange pour forcer ceux avec qui vous vivez pour qu'eux deviennent les empêcheurs d'évolution. Alors, à un moment donné, on avance certaines choses, puis on doit mettre les cartes sur table. Mais pas attendre, par exemple, d'avoir changé 25 choses, puis là, arrêter le bonhomme ou la bonne femme, l'asseoir en avant pour lui dire « Là, là! À partir de maintenant, ça, là, là, c'est non. » Parce que nous, ça nous prend du temps déjà à accepter notre changement. Faut pas s'attendre à ce que l'autre soit bien heureux de nous voir changer de main. Je me rappelle un jour d'un homme qui est venu d'une conférence. Il n'est pas venu à la conférence, il est venu lors d'une conférence pour venir gueuler, etc., parce que apparemment j'avais rendu sa femme totalement folle. Sa femme était folle maintenant. Parce qu'à un moment donné, elle a fait tout pour conférence, quand elle est rentrée chez elle, à un moment donné, elle a décidé que là, c'était fini. Le fait qu'elle doit le servir, en tout cas, sans arrêt. Puis la femme, elle ne sortait jamais, elle, en tout cas, c'était pas un disciple de Krishna, mais c'était tout proche. Elle était réellement l'esclave du bonhomme. Et nous, on avait rendu sa femme folle parce qu'à un moment donné, le bonhomme est rentré puis il a dit « Écoute, je voulais avoir telle affaire à soi pour manger, t'as fait d'autres choses. » Puis il a l'engueulade totale. Puis là, il a dit « Écoute, si t'es pas content, t'as qu'à le faire. » Fait qu'on l'avait rendu folle, la femme. Donc, c'est quoi le respect? C'est quoi ci? C'est quoi cela? Une chose certaine, c'est que vous n'évoluerez jamais si vous ne vous respectez pas. Et la société n'évoluera jamais si on ne respecte pas autrui. Mais nécessairement, on ne peut respecter que ce qui est respectable. Sinon, on va craindre les autres. Puis on y va en fonction de son énergie, on ne peut pas se faire une philosophie de ce que je viens de dire. Bon, celui-là, je le crains plus que je peux le respecter, bien crains-le. Mais culpabilise-toi pas. Tu sais, perds pas de l'énergie en plus d'en perdre. Comment puis-je mettre fin au vertige? Lorsque je grimpe, les mains deviennent moites, le cœur accélère et je perds tout contrôle sur le tonus musculaire. Je suis sans force et je paralyse sur place. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être à cheval sur la mort si quelqu'un n'intervient pas pour me sortir de ce guépier. Devrais-je provoquer des situations où le corps expérimente le vertige? Non. Excusez, je recommence. Bon, je réponds. Elle a provoqué des situations où le corps expérimente le vertige et ça n'a pas amené la solution. La personne, ce qu'elle doit faire, elle doit apprendre à respirer. Abdominal, intercostal, sous-clavière. Elle doit apprendre à contracter des muscles et décontracter des muscles. Autrement dit, si elle veut s'en sortir, là, elle devrait apprendre à menphiser. Je ne veux pas vendre des cours. Elle peut faire du yoga, elle va apprendre des choses similaires, ou du tai chi, elle va apprendre des choses similaires. Elle doit apprendre à menphiser et contrôler magnifiquement son corps physique. Menphi, mental, contrôle physique, menphi. Elle devrait apprendre aussi à reconnaître, respiration consciente. Elle doit apprendre ces choses-là. Elle ne contrôlera jamais ce que l'ego exprime dans le système endocrinien, par sécrétion hormonale, chaque fois qu'elle monte quelque chose. Elle monte, elle a réincarné beaucoup de mémoires de personnes qui probablement sont tombées, se sont suicidées ou des choses du genre. Elle monte, puis automatiquement, tout ce qui est réincarné vient totalement sécréter dans le corps physique, ce qui rend totalement le corps inopérationnel. Elle n'arrive plus à le contrôler. Elle doit apprendre à contrôler le corps physique. Un asthmatique devrait faire la même chose. Un asthmatique, qu'est-ce qu'il a? C'est quand astralement il vit certaines choses, il contracte automatiquement ses bronches, il sécrète du mucus, des choses comme ça, ça crée un bronchospace avec un cilement, etc. S'il apprend à contrôler des mécaniques de son corps, il va finalement aussi apprendre à contrôler celle-là. C'est la même chose dans ce cas-là. La personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est apprendre à contrôler ce qu'elle est. Apprendre à contrôler le véhicule dans lequel s'exprime l'ego. Donc, elle devra apprendre à contrôler le système respiratoire. Un exemple très facile, souvent quand on inspire, qu'on retient sa respiration, ça crée du calme. Mais il y a une technique rescon d'inspirer qui est différente de ce qui a toujours été enseigné, c'est qu'on inspire, puis on garde la respiration, mais en ne décontractant pas son système respiratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire... Et quand on va lâcher, on sent qu'on vient de libérer la glotte et l'épiglotte, on libère l'air. Alors qu'au niveau rescon, ce qui serait drôlement plus efficace aussi, quand ça, même quand elle est en train de vivre cela, elle va atténuer, mais il faut qu'elle s'entraîne un petit peu avant, c'est de... Et je garde les poumons contractés. Donc ça, c'est vide. Et quand je libère, ça sort facilement. Il n'y a jamais eu de blocage ici. Pourquoi? Mécaniquement, lorsque l'être humain contracte son système pulmonaire, il y a un acte réflexe qui induit une mécanique cérébrale qui empêche la communication astralo-physique, donc qui empêche une grande partie des sécrétions astrales par l'ego. Donc, quand il inspire, il est en contrôle mécanique physique et ça crée l'acte réflexe. S'il expire consciemment, ça crée l'acte réflexe. S'il est à vide ou s'il retient son air plein, ça ne relaxe pas autant. S'il inspire, acte réflexe en marche, il inhibe l'expression de l'ego. S'il garde sa cage thoracique ouverte et non pas en attente, s'il la garde ouverte consciemment en contrôlant son système musculaire, il continue, il perpétue l'acte réflexe et quand il va relâcher, il le continue aussi. C'est une façon rescon. Il y a d'autres trucs qu'on peut rajouter, mais pour la personne, elle montre qu'il commence à se passer des choses, il faut qu'elle contrôle son système respiratoire, mais pas de la façon conventionnelle, c'est d'avoir des résultats plus forts, donc d'une façon nouvelle. Et puis en attendant, bien, nécessairement, plus elle va apprendre à manifester, avoir un contrôle magnifique, donc du mental sur son corps physique, elle va finir par éliminer totalement l'ego qui s'exprime, donc la mécanique aussi. Ça vaut pas la peine de travailler sur l'ego, c'est trop long. S'il s'exprime plus, il pourra plus se nourrir, il va lentement se digérer. D'où tenez-vous que tel personnage est un initié ou un initiable? Êtes-vous un initié? Ça me regarde. Si je suis ou si je ne suis pas, pour la simple raison que de toute façon, si je dis oui, ça ne voudra rien dire. Si je dis non, pour plusieurs, ça n'aura rien changé non plus. Donc, ça n'aura pas la peine de m'en parler. D'où je tiens cela, je prends ça là où ça se trouve. Et ça se trouve à plusieurs places. Une personne qui est un voyant ou un médium peut facilement connaître ces choses-là en regardant dans les annales akashiques. Ou une personne qui est en contact avec de l'intelligence instantanée peut aussi instantanément savoir ce qu'il en était. Et une personne qui a la capacité de se rappeler ce qu'elle a vécu dans le passé a peut-être aussi rencontré des individus ou des individus qui ont rencontré des individus. En tout cas, ça fait au moins trois bons moyens de savoir. Puis tu peux aussi lire les livres que tu as écrits, comme ça tu les laveras. Ouais, ça peut arriver. J'ai accepté d'échanger... Non, ça doit pas être ça, certain. On va changer de mot, là. J'ai accepté un conscientisé... Ah, d'héberger un conscientisé chez moi pour le dépanner quelques semaines. Ah ben là, c'est de votre faute. Seigneur, prends pitié. Je prends conscience qu'il y a sûrement une raison intelligente à cela. C'est une personne qui est plus astralisée que moi. Aussi, j'ai de la difficulté à me maintenir dans mon mental. Cependant, je pense que c'est une occasion pour moi de m'auto-discipliner. C'est souffrant et je ressens une fatigue. Est-ce que je devrais tolérer cette situation difficile, mais nécessaire? Est-ce une souffrance mentale ou seulement mon ego qui souffre? Bon, il y a une question là-dessus. Il y a une partie de la question qui s'adresse à un maître, celle qui demande un conseil. Alors, nécessairement, je ne réponds pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez à faire. Est-ce une souffrance mentale ou seulement mon ego qui souffre? Ça, c'est de l'information qu'on a besoin ici. On peut informer un peu. Au mois d'août, surtout, on parlait de ce que c'est que l'ego, de ce que c'est que la nourriture du corps astral un petit peu, puis de ce que c'est que ces choses-là. Mais, c'est sûr, bon, le mental va souffrir s'il lui manque des informations. Le mental, qu'est-ce que c'est? C'est de la mémoire qui a été purifiée de l'émotion. Donc, l'astral, c'est de la mémoire émotivisée qui a de l'émotion. Une souffrance mentale, c'est une souffrance où le mental sans émotion se rend compte que ce qui est fait n'est pas logique. Bon, n'est pas écologique. Même chose. Alors qu'une souffrance astrale, c'est que ça se rend compte que ce qui se fait n'est pas émotivement nutritif. L'ego peut effectivement perdre son énergie, c'est-à-dire que la personne, elle se nourrit moins de son ambiance de sa maison, par exemple, parce qu'il y a la présence d'un autre individu. Alors, nécessairement, l'onde de forme de la pièce est changée par la présence de quelqu'un. Donc, l'ego peut perdre de l'énergie. Elle se sent aussi un peu fatiguée, ces choses-là. Bon, est-ce que ça peut être son ego? Ça peut être son ego. Par contre, le mental, ce qu'il va faire, c'est que parce que l'ego souffre un peu, ou parce que de temps en temps, le mental ou l'individu doit donner de l'énergie à l'autre, vu qu'elle dit que l'autre est un peu plus astralisé, l'ego peut dire que c'est illogique de conserver ça. Prends ça, fous-moi ça dehors. Bon. Maintenant, la problématique, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des personnes qui, quand on arrive à un plan mental, on n'a pas d'intelligence. On a de la logique. On est mental. On peut mentaliser les choses. Quand on arrive à un plan mental, on applique mécaniquement, logiquement, même l'information supramentale, mais on n'a pas d'intelligence capable d'avoir du cœur. Ça ne veut pas dire qu'on prend pitié, mais on n'est pas capable de connaître ce que... On n'est pas capable d'appliquer de l'esthétisme dans sa vie. Quand on arrive au niveau du mental, on l'applique spirituellement et émotivement par nécessité au niveau du plan astral, au niveau du plan psychologique. Donc, les individus vont être capables de s'entraider dans une secte religieuse ou dans une religion, alors que ceux qui se mentalisent ne peuvent à peu près plus le faire. Mais ceux qui se supramentalisent peuvent le faire. Mais il n'y aura pas la souffrance, l'épuisement énergétique qu'ont connu ceux qui étaient dans le phénomène astral. La personne, elle est donc à un niveau mental où elle se dit simplement, tu sais, je devrais carrément finir là. Mais en même temps, bon, elle pose la question. Elle, est-ce que c'est nécessaire qu'elle le vive et qu'elle ne le vive pas? Ça, c'est à elle de regarder les choses. Une chose qui est certaine, c'est qu'un être humain a la capacité chez lui, s'il bouge, s'il prend son corps et bouge un peu, s'il a la capacité de toujours transformer n'importe quelle situation en situation nourrissante et enrichissante énergétiquement, quelle que soit la situation. Ça ne veut pas dire qu'on devra rester dans une situation. Tu me disais à un moment donné, si ta femme te voit régulièrement, puis elle prend tout ton salaire, puis etc., peut-être c'est quand même mieux de rester. Si tu arrives à t'adapter, oui. Mais tu peux être totalement adapté, mais si tu t'adaptes réellement, comme je viens de le dire maintenant, c'est que ta femme devra changer. Si tu t'adaptes dans le sens qu'elle ne change pas, puis tu finis par ne plus souffrir de tout, tu devrais être capable de stimuler suffisamment des choses chez elle pour rendre la situation totalement enrichissante et énergisante. Alors que bien souvent, à cause de l'ego puis à cause de l'astral, on rend les situations désénergisantes puis souvent souffrantes. C'est pour ça que quand tu parles de ma vie privée, comme ça, le monde dit ça. Depuis qu'elle a maigri de 145 livres, ma femme me bat beaucoup moins qu'avant. Ah, ben c'est sûr, c'est sûr. Là, maintenant, là... Il a été dit que dans la Bible, que celui qui blasphème... Il a été écrit. Ah, c'est vrai. Que dans la Bible, que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. Qu'est-ce que blasphémer contre l'Esprit? Est-ce que ce serait de refuser l'intelligence? Premièrement, dans tous les livres sacrés, tout ce qui est dit est habituellement totalement véridique. La problématique, ça ne contient jamais toute la vérité. Comme quand on dit, quand vous allez dans le monde de la mort, vous retrouvez ceux que vous avez connus et aimés pour l'éternité. C'est vrai, vous êtes digéré dans le monde de la mort, vous fusionnez à eux, donc vous vous mêlez à eux pour l'éternité. Ce qui est dit est vrai, mais on n'a jamais tout dit. Revenons avec ça ici. Blasphémer contre le Saint-Esprit, vous ne serez jamais pardonné. C'est vrai, l'Esprit Saint, donc le Saint-Esprit, l'Esprit pur, non coloré par l'émotivité amique ou astrale de l'humain, intelligence supramentale, énergie christique, c'est la même chose. L'intelligence ou l'Esprit Saint, ça ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que ça ne retient pas. C'est spontané, ce n'est pas mémoriel. Donnez-lui de la marde, il s'est automatiquement pardonné. C'est pas pardonné, c'est oublié. C'est pas oublié, ça n'a jamais été enregistré. Donc, effectivement, vous ne serez jamais pardonné. Mais l'idée, c'était que le blasphème étant un puisement d'énergie dans des égrégores divins ou célestes du monde de la mort, on interdit le blasphème parce que chaque fois qu'on blasphème, on gagne en puissance et on démolit en puissance l'égrégore sur lequel on va puiser. Alors, quelqu'un qui se met à sacrer, par exemple, blasphème contre l'Église. Mais blasphémant contre l'Église, ça donne de la puissance à ce qu'il vient de dire. Une puissance qu'il pourrait aller chercher autrement. Disons, ça ne donne pas de la puissance, ça donne du pouvoir. Mais c'est un peu la même chose. Sauf que c'est astralisé. Sauf que chaque fois que des individus blasphèment, ils vident l'énergie grégorienne qui a été cumulée là par ceux qui ont prié. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un peu comme si on puisait dans l'énergie du Saint-Esprit, mais en réalité, on ne puise pas là-dedans parce que c'est de l'énergie qui n'est pas mémorielle, donc que l'ego ne peut pas connaître, que seul le mental conscient peut connaître, donc l'intelligence chez l'humain. Alors, il a été écrit dans la Bible que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. C'est vrai. Comme j'ai dit à un moment donné, il y a ceux qui pardonnent, puis il y a ceux qui oublient qui ont pardonné. C'est ceux-là les vrais. Pas ceux qui ont pardonné, et qui s'en rappellent à jamais qu'ils vous ont pardonné. C'est ça, c'est une nuance. Alors, bon, qu'est-ce que le blasphème contre l'esprit? Est-ce que ce serait de refuser l'intelligence? Non, il n'y a pas de problème là. Vous blasphémez contre Dieu, puis Dieu vous punit. Ce Dieu-là n'est pas votre auteur. Vous ne le méritez pas. Mais dans le passé, oui. Les gens avaient besoin d'un hétérodisciplinaire majeur. Mais plus on est capable d'être un autodisciplinaire, on a encore besoin peut-être de petits concepts hétérodisciplinaires qui vont nous discipliner par l'extérieur, commandement, règlement, etc. Inhibition, crainte. Mais non. Vous blasphémez contre un dieu, puis le dieu vous haït, vous n'avez pas blasphémé contre le dieu. Pourquoi il vous déteste? Parce que vous avez probablement dit la vérité. Qui seront les deux prochains grands initiés dont tu parlais pour l'Amérique du Nord et du Sud? Sont-ils nés parmi nous? Maitreya est-il un initié? Bon, ils sont effectivement ici. Maitreya, oui, c'est un... Maitreya, ce n'est pas... C'est un grand personnage qui va effectivement laisser sa trace dans les conditions historiques de l'avenir. Mais ce n'est pas l'un des deux grands initiés en question. C'est la réincarnation mémorielle de la majorité des grands initiés du passé. Tout ce qui a été laissé ici par les grands initiés s'est réincarné dans Maitreya. Maitreya habite l'Angleterre, entre autres. Et c'est ça, tout ce qui a été laissé, tout ce qui n'était pas transportable, tout ce qui ne méritait pas d'être transporté, constitue Maitreya. Il ne va pas servir de paratonnerre pour attirer tout ce qui reste d'astral? Ben, il va servir aussi à ramasser tout ce qui n'est pas ramassable. OK. Ça répond à mes quatre questions. L'Arche d'Alliance de Moïse était-elle un condensateur d'énergie? Oui. Sans aucun mensonge ajusté, les initiales du nom terrestre de Lazare sont-elles J.C.? Sans mensonge ajusté, mais le problème, c'est que Lazare, présentement, est réincarné dans plus qu'une personne. C'est une réponse de politicien. Ouais. C'est Johnny Cash. Alors, je sais l'ozon. Encore une fois, c'est parce que je peux répondre oui. Puis tu peux répondre non. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est réincarné dans plus qu'une personne. Okay. Est-ce que partiellement, il est réincarné dans JC? C'est pas écrit ça sur le papier. Ben oui, c'est l'autre question. Que veut dire ADN? C'est pas des initiales, ça. André, Daniel, Nicole. Donc, j'ai répondu suffisamment à la question qui est en haut ici, là. Et ADN, dans le sens ADN, ça veut dire sucre, acide désoxyribonucléique. On va se contenter de cette définition-là. Les gens fermés. Non, excusez, je commence ça. Les jambes. Non, les yeux fermés. Je réfléchissais sur le droit d'une mère de ne pas aimer ses enfants. Par le fait même, j'ai perçu une petite lueur rouge. Je t'arrête deux secondes. C'est original quand même. Le droit d'une mère de ne pas aimer ses enfants. Si la mère n'aime pas les enfants, c'est pas une question de droit, c'est une question de fait. Je veux juste nuancer quand même. Il y a souvent dans la parole des choses qui sont dites qui sont suspectes. La mère qui n'aime pas ses enfants peut se dire, oui, mais est-ce que j'ai le droit de pas les aimer? La question n'est pas ça. Les aimes-tu ou non? Non, je les aime pas. T'as peut-être pas le droit de les bafouer. T'as peut-être pas le droit de les torturer. Mais il y a une nuance à parler de droit d'aimer. Continue. Par le fait même, j'ai perçu une petite lueur rouge et dès cet instant, je ne pouvais plus en vouloir à personne. Explique. Ah. Ben, c'est ça. Elle a subitement compris quelque chose comme je viens d'expliquer là. Elle a... Mais il faut faire attention. Moi, je suis un orateur. Une grande gueule. Il y a des personnes qui, eux, énergétiquement... Qu'est-ce que c'est que la conscience? J'ai toujours dit que la conscience, c'est une question d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on a tout clair pour expliquer à l'ego. Alors, la personne ne comprend rien, mais subitement, une partie d'un problème est réglée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle parle de lumière rouge ici. C'est une interprétation de l'astral sur la lumière rouge. On n'a même pas besoin de ça. Mais subitement, c'est clair. Qu'est-ce qui est clair? Ben, on ne doit pas l'haïr. Je pense que je ne peux plus l'haïr. Puis là, quelqu'un dirait, bon, mais t'es stupide. Même toi, je t'haïs pas. Tu es malade. Peut-être. Et quand je parle de la normalisation, c'est là le gros problème. La personne, elle est un cran mieux. Par la normalisation, elle peut souffrir d'être un cran mieux. Mais c'est pas normal de même, il me semble qu'on devrait... Alors ça, c'est une chose. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé simplement qu'elle a ramassé juste qu'il fallait de l'énergie pour, pouf, passer à un autre niveau. Et puis là, maintenant, voilà, plus de haine. Et peut-être qu'elle va découvrir encore des gens à haïr. Mais il faudrait que les gens soient d'un autre niveau. Parce qu'elle a effectivement réglé une grande partie de ses problèmes de haine. Quand je dis à des gens que moi, je ne peux pas aimer, je ne peux pas détester, dans le sens où lui-même le conçoit, mais c'est pas un contrôle astral. Je ne suis pas bâti comme ça. Donc, je ne peux pas être jaloux, je ne peux pas m'ennuyer, je ne peux pas... Je suis comme ça. Quelqu'un dirait, ouais, mais c'est... vous n'avez pas de mérite. Exact. Pas de mérite. Tout de même. C'est plate. Ben, c'est pas plate, c'est comme ça. Même pas de mérite. Eh non. Une petite planète en forme de diamant vient d'entrer dans notre système solaire. Quels sont ses effets sur notre planète? Quel est son rôle? Et est-elle habitée? Bon, la quantité... Premièrement, il n'y a pas de planète qui viennent d'entrer. Quand on parle de planète, il faut faire attention. La quantité d'objets qui pénètrent le système solaire est effarant. Chacun de ces objets a une interaction énergétique sur tout le système solaire. Donc, que ce soit uniquement du point de vue des altérations gravitationnelles. Mais en même temps, au niveau du rayonnement, au niveau de l'onde de forme qui est émise, au niveau de l'absorption de ce qui est émis, chaque particularité a des effets. Et quand on parle d'habiter, il faut encore faire attention à une chose. Si on veut dire habiter par des phénomènes humanoïdes, à forme humaine, non. Parce que l'humain est l'une des rares espèces cosmiques qui considère continuellement qu'un être vivant, intelligent, doit lui ressembler. Bon. Alors, quand on cherche habiter sur une planète, c'est nécessairement personnifié similaire à ce que nous sommes. C'est habité par énormément d'énergie. Puis énormément d'énergie, c'est ce qui nous a constitués. Donc c'est habité. Est-ce qu'il y a des suicides sur cette planète-là? Question humaine. Pas de réponse. Parce que la question ne s'applique pas. Alors, parce que planète, il faut s'entendre. Quand on parle d'une planète, regardons ceci. Est-ce que la Lune est une planète? Bien, place-la à côté de Pluton, tu vas voir que Pluton n'est pas tellement grosse. Alors, qu'est-ce que c'est quoi une planète? Mais pour qu'un phénomène grand comme la Lune, qui est quand même très petit, entre dans le système solaire, il serait repéré depuis longtemps par même ceux qui croient rien. Alors, quand on parle de planète, comme dans ce cas-là ici, c'est des phénomènes assez légers, assez petits. C'est pas des affaires finies. Si ça tomberait sur la planète Terre, ça serait assez gros pour faire éclater la planète Terre, mais c'est pas, faut pas grand-chose pour faire ça. La semaine prochaine, la conférence Les maîtres du monde. Ben, c'est ça. On va revenir donc sur la question de tout à l'heure. On va parler de quoi? On parlait de Shambhala, de la Gartha. On parlait du Québec, du Pôle Nord. Non, ça, c'est la semaine après. La semaine après, c'est les mystères de Shambhala et de la Gartha. C'est ce que je disais. La semaine prochaine, on va parler de la conférence de ce jour. On va parler de ce qu'il y a dans Shambhala. Dans l'Agartha, c'est les maîtres du monde. La semaine d'après, on parlait de ce que Shambhala et l'Agartha vont faire. Wow. Au Québec, entre autres. Parce que Shambhala a des sorties au Québec. Okay. Mais quand on parlait des maîtres du monde, on parlait de tout ce qui habite, de ceux qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent la finance planétaire, ceux qui ont dirigé le Troisième Reich, ceux qui vont diriger le Quatrième Reich, ceux qui vont diriger... Enfin, on va parler des maîtres du monde. Et donc, de ceux qui vivent dans ces coins-là. Ça, c'est original. De ceux qui vont le diriger? Non, de ceux qui dirigent présentement. Ben, ça dépend des questions que tu auras posées. Peut-être qu'on parlera de ceux qui vont diriger l'humanité après, oui. Parce qu'on dit que dans ceux qui vont diriger plus tard, il va y avoir un maître du monde, le grand monarque. C'est faux et c'est vrai. Le grand monarque, c'est un papillon. Non, excuse. Ça, c'est vrai. Bon, c'est quoi qui est faux? Je me suis connecté sur la mauvaise partie. Le grand monarque, C'est une conscience planétaire. En réalité, une conscience qui va être galactique. Une conscience planétaire, une conscience galactique exprimée à travers les individus sur la planète. Le grand monarque, ça s'appelle aussi de la cohérence planétaire. Le grand monarque, c'est de l'intelligence supramentale qui est suffisamment exprimée par suffisamment de contingences humaines pour que l'expression d'intelligence à travers ces humains-là entraîne une cohérence planétaire. Une cohérence planétaire dans le contexte de l'être humain évolutif, de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, c'est nécessairement égal à de l'écologie complète. Écologie dans le corps physique, donc sur tout ce qui est matériel, écologie dans le plan vital, donc sur tout ce qui est vital, gnomes, farfadets, fées, etc. Écologie dans le plan astral, donc au niveau du corps astral, ainsi que de tout ce qui a été engendré par les mécaniques astrales au niveau des forces d'évolution spirituelle. Écologie au niveau du plan mental, une gestion de l'interpréteur psychologique, une écologie au niveau de l'ajusteur de pensée, une écologie au niveau des forces supramentales. Quand on parle de grand monarque, cela veut simplement dire que l'humain va s'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a le feu, on est tous d'accord pour l'éteindre. On ne fait pas une réunion de toutes les provinces pour savoir si, oui ou non, on va éteindre le feu. Le grand monarque, c'est quelque chose dans le genre. Le grand monarque, c'est comme par exemple, moi je dirais, je ne dis pas, parce que si je fais partie du grand monarque, nécessairement pour moi, le racisme n'existe pas. Mais le grand monarque qui contrôle la planète, c'est qu'il n'y a pas de racisme sur la planète. Pas parce qu'il y a une loi qui interdit le racisme. Parce qu'il n'y a plus besoin de loi pour interdire le racisme. Ça, c'est le grand monarque. L'humain qui attend le grand monarque le voit comme un grand, je ne sais pas quoi, un grand vifou, un grand machin, un grand célestin qui vient se pointer avec un bâton, et puis il dirige. Mais qui, quel peuple peut suivre un dirigeant intelligent si le peuple n'en comprend pas l'intelligence? Il n'y en a pas. Qui que ce soit qu'on placera au pouvoir, nécessairement, il y aura toujours des dissidents. Donc, ce n'est pas ça le grand monarque. Le grand monarque, c'est pas quelqu'un qui a des armées qui vient dire à l'humain, « Toi, t'es un cave. À partir de maintenant, c'est illégal d'être cave, fait que t'es intelligent. » Personne n'a dit, « Ah, oh, je suis intelligent, certain. » J'ai tout compris. Oui, j'ai tout compris ça. Non, le grand monarque, ce n'est pas ça. Le grand monarque, c'est l'intelligence exprimée à l'intérieur de l'humain. Donc, la venue du grand monarque, elle était en train de se faire, ça va de soi. Mais le grand monarque installé, instauré, c'est pas pour suite. Dans pas grand temps. Mais pas de suite. Bon, alors, quand on parle de maître du monde, de ces choses-là, le grand monarque, ce n'est pas un grand maître du monde. C'est comme on dit, le retour du Christ. Il va se pointer sur la rue Sainte-Catherine, il va se promener. L'intelligence christique, l'intelligence supramentale, c'est extrêmement cohérent avec le grand monarque. C'est de l'intelligence. Imaginez le Christ à l'intérieur de plusieurs individus. Mais le Christ à l'intérieur des individus, c'est quoi? C'est une conscience fusionnelle avec de l'Esprit Saint, de l'Esprit pur. Conscience fusionnelle avec de la gratuité. Lui appelait ça de l'amour, l'amour gratuit. Mais dans le contexte planétaire, l'amour n'est jamais gratuit, elle est conditionnelle. Elle est réactionnelle. Et de l'expression, un contact avec de l'intentionnalité au niveau de la conscience, pas au niveau nécessairement des mécaniques matérielles. Le retour du Christ, c'est un phénomène planétaire qui va apparaître dans les races. Les dernières sous-races de la race mère et dans la prémisse de la sixième race mère, l'être humain, quand il parle de ces choses-là, il personnifie continuellement. Imaginez que le Christ revienne. S'il revient en Angleterre, les Anglais vont penser qu'il faut qu'il dirige le monde. Mais s'il revient en Israël, bien là, Israël, il va renforcer leurs idées de taper la gueule aux autres à côté. Ils n'ont pas besoin de ça, là. Mais je sais, ils le font tout seul, mais tu sais, ça va renforcer. S'il revient au Pérou, bien là, on ne comprendra plus rien. Il fait quoi? Avec l'avènement du grand monarque, ça va être la disparition des maîtres du monde. On n'en a plus besoin. C'est évident. C'est évident. Mais l'apparition du... Pendant le retour du Christ, c'est la disparition de toutes les religions. Une religion, c'est une technique pour permettre à l'homme de se relier. Ah, mais si tout arrive là au complet, maintenant, l'homme n'a plus besoin de pratiquer pour se relier. Là, maintenant, c'est le temps qu'il se relie. Puis une fois relié, il n'a plus besoin de technique. Parce que quand... quand Jean-Baptiste, dans son Apocalypse, ben Jean de Patmos, il s'est réincarné dedans. Dans son Apocalypse, il parle de la fin des papes. Pas comme ça. Michel de Notre-Dame, surtout, et un autre personnage, Jean 23, va amener. Malachi, entre autres, va préciser des choses. Et on parle de grandes catastrophes, de ceci. On parle donc de Maitria. On parle de la fin des papes. Ben oui, c'est sûr, on parle de l'avènement du Christ. Oui, on parle aussi de l'antéchrist. Anté veut dire antérieur, avant. Pas anti. Une antichambre, c'est avant. C'est pas que l'antichambre ne détruit pas la chambre. L'antéchrist vient, il y a la bête qui vient. La bête, c'est autre chose. L'antéchrist, c'est nécessairement anti plein de choses. C'est-à-dire que ça va travailler pour ce que ça va détruire. Dans l'astral, ça fonctionne comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, cessez de faire ceci. On devrait vous empoisonner avec pour que vous cessiez de le faire. Est-ce que la bête, ça peut être Maitreya? Non. Ça peut pas être Maitreya. C'est. C'est. Okay. Il faut toujours faire attention à mes questions. Oui. Ça réincarne, donc, ce qui a été laissé en trace mémorielle par les initiés. Ça va donc, Maitreya va avoir un pouvoir extraordinaire, une capacité de rejoindre les musulmans, parce qu'il réincarne les parties de Mahomet, de rejoindre les chrétiens, réincarne les parties du Christ, des mémoires. De rejoindre, etc. C'est formidablement génial. Mais, en tout cas, il y a des choses comme ça intéressantes. Quand on parle de grand monarque, on va revenir de toute façon avec les maîtres du monde, mais effectivement, le grand monarque, c'est juste après les maîtres du monde. Et les maîtres du monde ont une incidence marquée présentement sur l'humanité. Et ils ont une incidence marquée sur ce qui se trame, sur ce qui va se tramer, sur ce qui va passer. On peut juste parler un peu de l'ésotérisme du Québec. Juste à remarquer que, c'est la journée de la Saint-Jean que se décide que ça passe pas le lac Meech. Mais la Saint-Jean-Baptiste, Jean est celui qui a averti que le Christ viendrait. Bon, notre Jean le Baptiste, c'est un arien, c'est un enfant blond aux yeux bleus, ce n'est pas un juif, alors que Jean-Baptiste est un juif. Alors, on a la Jean-Baptiste et la fête nationale de l'indépendance, maintenant, il y a un mélange entre les deux. La société Saint-Jean-Baptiste, c'est celle qui pousse, bon, ça n'a rien à faire, pourquoi c'est pas la société de séparation? C'est la société Saint-Jean-Baptiste qui vend le drapeau du Québec, bon, puis qui préserve la langue française puis l'intégrité du Québec. Mais pourquoi y a-t-il deux provinces qui disent non, Terre-Neuve, puis Mandalay, le Manitoba, puis finalement, eux autres acceptent, puis là, finalement, c'est un Indien qui dit non. Bon, OK, finalement, il est supporté par un paquet d'autres. Mais c'est incohérent et illogique. Sauf si le Québec a à se séparer à un moment donné. Alors, je disais dernièrement à une personne qui était militante, t'as milité pour rien, t'avais qu'à te reposer. Les maîtres du monde trament énormément de choses. Alors, on va revenir là-dessus la semaine prochaine, mais il y a énormément de phénomènes qui se passent présentement, que ce soit uniquement la préservation de Los Angeles et de San Francisco, puis des choses dans le genre. Alors, on va revenir la semaine prochaine là-dessus, mais... puis élaborer. Puis il y a d'autres peintres du monde aussi que tu connais pas. Ah, ça, j'en doute pas. En attendant, soyez maîtres de vous-même, passez une belle semaine, et la semaine prochaine.